Maintenant, ils ont des laboratoires. Nous, le laboratoire, c'était le boulanger. Et voilà. Bon, maintenant, vous avez une farine, vous avez des farines qui conviennent à un, qui ne conviennent pas à l'autre. Alors, des fois, on leur disait, bon, on a modifié, on aurait modifié pas du tout, puis putain, on allait, vous savez, ça m'est arrivé de reprendre des farines. Entre autres, un cousin qui avait travaillé sur les bateaux comme un boulanger, et il s'était mis à son compte à Bradas. Et lui, c'était rare que la farine lui convenait. On la reprenait, on l'a menée à un boulanger qu'on avait à l'escale, terrible, terrible, il vous sortit toujours du pain. Il était venu travailler, puis après j'étais marié avec la fille du boulanger, et il venait de l'Isle-sur-Sorgue. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, elle est un peu difficile, mais il faut faire comme ça, il faut faire, il sortait du pain. Parce que c'était le métier. Mon cousin, il avait travaillé dans l'armée, le pain qui sortait, il avait le bateau. Il sortait le pain qui sortait, c'était pour les militaires, c'était pas pour les bateaux marchands, hein, c'était pour... Et ben, mais il y en avait des boulangers comme ça qui... Il prenait la température, il prenait tout. C'était un as, celui-là. Mais il y en avait d'autres que je n'ai pas connus. Parce qu'il n'était pas le seul à faire son métier comme ça. Hein. Mais il arrivait toujours à sortir. Lui, c'était notre laboratoire. Et oui, du coup, il vous permettait... Ah oui, oui, il nous disait ça. Seulement, vous direz à votre client qu'il faut la laisser un peu plus piquer, la laisser un peu plus ceci, la laisser un peu plus ça.